Ah, oh, mes amis, figurez-vous que j'étais tranquille chez moi. J'étais en train de m'entraîner à faire des frottis sur le chien de ma concierge, Madame Pedrosa. Qu'à un seul coup, le téléphone sonne. Allô, Helmut? Ah! Salut, Vaïd! Quoi de neuf au PSG? Moi, c'est aujourd'hui match contre Marseille et toi, Zouzou, pour être là, vous fils de pute. Oh, doucement, Tomari, tiens. Si tu continues à me parler comme ça, je vais botter ton cul de bosniaque à coup de Santiago. Helmut, silence, sinon Vaïd envoyer à mes lui, torturer famille Helmut. Toi, venir Zouzou pour match, toi, dépêcher cul. Bon, j'aime pas qu'on me parle comme un clébard, c'est vrai, mais en même temps, c'est OMPG, je devais faire quelque chose. Je vais donc chercher le Zouzou et nous voilà partis vers Marseille. Une fois arrivé, il s'est avéré qu'on avait plus besoin que nous de d'habitude. Un joueur de Paris était en train de prendre quelques vitamines avec son entraîneur et son soigneur venait de claquer à l'instant. Le dosage protéines, cocaïne, ammoniaque et choc à pic était défaillant. Le joueur était allongé sur le sol, les bras et les jambes pliés comme un cafard. Rapide comme un pet de gastro, Vaïd a réagi. Faut trouver solution. Zouzou remplace ce joueur mort. Ah, pas de problème, mon Vaïd, tu vas voir, il va assurer. Ça va aller, Zouzou, milieu terrain. Si ça va aller, ma Zouzou, tu donnes la balle, milieu terrain. Il dribble tout le monde, il fait petit pont, il fait grand pont, il fait pont suspendu, il fait petit pont de bois, il fait ponton carvier. Ouais, c'est bon, compris, compris. Ah, je peux vous dire que le style de Zouzou, il a laissé personne indifférent. Un sacré match, les amis. Même le commentateur, il est pas prêt d'oublier de sitôt. Un bien joli match de 16e de finale auquel on assiste ce soir. Je sais pas qui est ce numéro 69 dans les rangs du PSG, mais il a un style peu commun. Pour être honnête, j'ai jamais vu ça. Un joueur qui, à chaque fois qu'il y a un choc avec un adversaire, se relève avec une érection. Je dois dire que j'ai trouvé ça un peu déstabilisant qu'après le but de Paoletta, il l'a embrassé sur la bouche, l'attaquant portugais, en lui caressant les testicules. Déstabilisant toujours qu'il l'a embrassé sur la bouche tout en se frottant contre sa cuisse, le joueur marseillais qui venait d'égaliser. Et je ne vous parle même pas de ma surprise quand le PSG a marqué le deuxième but et qu'il a félicité son partenaire en le sodomisant près du poteau de corner. Un joueur un peu particulier qui a sobrement déclaré à la fin du match, Zouzou content comme un colibri. C'est peut-être ça le football moderne. Ah, voilà ce que j'appelle un beau travail collectif. Oh, c'est beau le sport quand c'est viril. Bon, je vous laisse, hein. Je dois retourner chez moi donner quelques conseils à Daniel Morin avant son spectacle de ce soir. Il est perdu sans moi. Allez, au revoir, Zen.